Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue également des frères et des sœurs qui nous suivent à l'Internet. Je les salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari ya 8. Kisha tutaluka, tutabeba verse yake 15 na 16. Nous allons sauter, nous allons lire verset 15 et verset 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Neno ya Yehova ikanielekea muhimu semo. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Ulamuke wende ku Sarepta yenye kwa ya Sidona. Et demeure-y. Na upate kuikala kule. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Tazama nariamuru mwanamke muyane apate kulisha. Elle alla, elle fit selon la parole d'Elie. Na ule mwanamke akalamuka na kwenda kufanya kufatana na neno ya Elia. Et pendant longtemps Elie de quoi manger. Na munda mrefu ashukose chakula. Elle et sa famille aussi bien qu'Elie. Yeye na jamaa yake pamoja na Elia. La farine qui était dans les pots ne manqua point. Bunga bule mulikuwa mumutungi abukumalizike kamwe. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Na mafuta ile ilikuwa mchupa haikumalizike kamwe. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Elie. Kufuatana na neno ile Yehova alisema kupitia Elia. Mwenyezi Mungu tunakupikia asante. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Juu ya kutukaburia tena siku ya leo. À cause de la journée que tu nous as accordée. Dieu a kuweza Seigneur kutukusanisha kando kando ya neno yako. De ce que tu as permis de nous réunir tout autour de ta parole. Iko yenye kuandikwa katika neno yako. Il est écrit dans ta parole. Mir batumia neno. Je leur ai envoyé ma parole. Juu ipate kubaokola na ipate kubatunza. Afin qu'elle puisse les sauver et les guérir. Ndani ya neno yako Seigneur. Dans ta parole, Bwana. Muko uwezo ya kutunza. Il y a la puissance de guérison. Namuko uwezo ya kuokola. Il y a également la puissance du salut. Wakati tuko na kukimbilia. Lorsque nous venons à toi. Ni juu okovu ya byakweli patikane ndani ya maisha yetu. C'est pour que le véritable salut se manifeste dans notre vie. Wakati yote injili kangla ubiriwa Seigneur. Toutes les fois que l'évangile est encore prêché. Tukingari na amini ya kusema neema yoba lokumalizika. Nous croyons que la grâce n'est pas encore terminée. Ndio kwa maana tuko na kuya mu mafuashi ya hivi. C'est pourquoi nous venons à des endroits pareils. Usudi we Mungu pate. Afin que toi Dieu tu puisses nous venir en aide. Nous venons de lire ta parole Seigneur. Nous t'invitons toi l'auteur de la parole. Que tu puisses descendre. Pour nous révéler ta volonté. Du début jusqu'à la fin sois glorifié. Tout ceci pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous continuons à parler encore au jour d'aujourd'hui. Concernant ce sujet que nous avons commencé depuis le mardi. Soyez certains de Dieu. Uwe na uhakika ya Mungu. Tuko napenda wakati tuko nasoma na kushikia hii mahubiri. Nous voulons lorsque nous lisons et écoutons cette prédication. Ni juu kila ndugu na kila dada. C'est pour que chaque frère et chaque sœur apate kufanya onjo ya byakweli msafari yake. Qu'il puisse faire la véritable expérience dans son voyage. apate kuonja Mungu ule ba Kristu bote wanaonjaka. Qu'il puisse expérimenter ce Dieu que les véritables chrétiens ont toujours expérimenté. Na Mungu ashipashe kuya kwake Mungu wa hadisi. Et Dieu ne doit pas être pour lui un Dieu historique. Aina kintu kizuri ashiweze kusaidia kintu. Ce n'est pas une bonne chose, il ne peut rien vous aider. Mungu anapasha kuya Mungu wako weye. Dieu doit être ton Dieu à toi. Apana Mungu wa mkanisa yetu. Pas le Dieu de notre église. Mungu wako. Ton Dieu à toi-même. Nanjo kile Mungu alikuitia. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. Mungu alikuita ni juu akuye Mungu wako. Si Dieu t'a appelé, c'est pour qu'il devienne ton Dieu. Na wewe unakuwa na ile ushuhuda ya kusema Mungu ni Mungu wangu. Et tu as aussi ce témoignage en disant que c'est mon Dieu à moi. Mwile wakati msafari ya mashiku yako kupitisha pa hii dunia. À ce moment-là, pendant ton séjour sur la terre. Hauza kuwa mtu wa kuwayawaya. Tu ne seras pas quelqu'un de ballottant. Kama leo bantu wabana na mshimamo ya bien. Si aujourd'hui les gens n'ont pas une bonne position. Ni kukosa kuya na ule uhakika ya Mungu. C'est parce qu'ils n'ont pas la certitude de ces dieux. Ya kuamini ya kusema niko mtoto wa Mungu. De croire que moi je suis un enfant de Dieu. Ile hakikisho ile. Cette certitude. Aina baubiri watakupa ayo. Ce ne sont pas des prédicateurs qui vont te les donner. Aina ta pasteur atakupa ayo. Ce n'est même pas le pasteur qui va te les donner. Ni baga Mungu ndio anaweza kupatia. C'est Dieu seul qui peut te l'accorder. Na wewe unapasha kuya nayo. Tu dois aussi la voir. Mashiku yako ya wewe kupitisha pa hii dunia. Pendant ton séjour sur la terre. Ndio ugwe na mshimamo ya bien msafari ya imani. Afin d'avoir une bonne position dans la marche chrétienne. Kama bina vile. Si tel n'est pas le cas. Ni bitu bya ole sana. C'est vraiment malheureux. Ukingariki na Mungu wa mkanisa yetu. Tu as encore un Dieu de ton église. Kama neno ya Mungu inahubiriwa. Lorsque la parole de Dieu est prêchée. Wewe mambo yote uko nasema sema ni mkanisa yetu ndio banasemaka. Toi tu dis que ceci on le dit dans notre église. Alors que hiki kitabu Mungu alikiandikia ni batoto yake. Et pourtant ce livre si Dieu l'a écrit pour ses enfants. Kama na wewe uko mtoto wa Mungu. Si toi aussi tu es un enfant de Dieu. Yote bila biko nahubiriwa. Tout ce qui est prêché. Aweze kubeba sabi ya mkanisa yenu. Tu ne peux pas les considérer comme les choses de ton église. Utabeba hii mambo sasa inakuwa ni yako. Tu vas prendre cette parole comme la tienne. Frère Branham alikuwa anaitaka hii Biblia. Frère Branham appelait cette Bible. Asema ni barua ya mapendo kwetu. Que c'est une lettre d'amour à nous. Mungu abate umbariki. Que Dieu vous bénisse. Sasa ni mapendo ya Mungu. C'est l'amour de Dieu. Ndio kwa maana alituandikia hivi vitu hivi. C'est pourquoi il nous a écrit ces choses. Aina vya bantu bengine ni vitu vyetu. Ça n'appartient pas aux autres personnes mais c'est à nous. Na mtoto wote wa Mungu wa vya kweli. Et tout véritable enfant de Dieu. Eko na beba hii mambo sa yake. Va prendre cette parole comme la sienne. Hapana sa ya mkanisa yetu. Ce n'est pas comme la parole de notre église. Kama mnaniona niko na voila hivi. Si vous me voyez s'habiller ainsi. Ndio vile mkanisa yetu wanasemaka. C'est comme ça on nous impose dans notre église. Ile mambo kingari ya mkanisa yenu. Cela est encore de ton église. Siku tu mitatoka mwile kanisa yabo ile. Je vais quitter leur église là. Mtaniona nitakuwa tu sana mwe. Vous me verrez, je serai comme vous. Nikusema wewe hii mambo kingari ya mkanisa yenu. Ceci est encore la parole de ton église. O kama mko naniona hivi. Si vous me voyez ainsi. Unaona kule kwa miomba nenda kuikala. Ouais, chez mon oncle là où j'habite. Niko na voila mwi namna ni juu ya kusema nishimkuarishe. Je m'habite de cette manière c'est pour ne pas la choper. Kingariki pa kanisa muyomba. Tu es encore dans l'église de ton oncle. Kingariki pa kanisa ya bazazi. C'est encore l'église de ta famille. Kama tushikuolewaka na ubwana. Si je ne t'ai pas marié par cet nilipasa homme. Kuishi maisha yangu. Je devais mener ma vie. Kama niko hivi ni juu ya ubwana. Mimi mwenyewe sikuamini hata. C'est marié moi-même, je n'avais même pas cru à cela. Tabile ni sumuriaka na frère moya hivi. Comme j'avais causé avec un frère wa zamani. Un ancien frère. Palikuwa mambo moya hivi kwake. Il y avait un problème dans sa famille. Napima kumkonseye. J'ai essayé un peu de le conseiller. Mekumwisho alikuwa ananiambia akasema lakini ndugu unapaswa kujua kusema mimi si yamini yako. À la fin il m'a dit frère il faut savoir que moi jusque là je n'ai pas. Ile masauti ilinipa boka. Cette parole là m'a fait peur. Akasema mimi si yamini yako. Je n'ai pas encore cru. Nikasema pale mimi nilikuwa mkambove. Lorsque je suis venu à Kambove. Mimi nilifuataka njoo mkubwa yangu. J'avais suivi mon grand frère. Sasa mimi na mimi nikaanza kumfuata ukanisa yake. J'ai commencé aussi à côtoyer son église. Ndio kwa maana mimi naenda ukanisa yako. C'est pourquoi je fréquente son mimi, église. Mimi si yamini yako. Mais néanmoins je n'ai pas encore cru. Kanisa ingari ya mkubwa yako. L'église est encore de ton grand frère. C'est pourquoi tu connaissais moi namna. C'est pourquoi nous parlons de cette manière. Atara maurikuya baivua chikupitia mkubwa yako. Même si tu es venu ici via ton grand frère. Kupitia bwana yako. À travers ton mari. Bwana yako ndio aliamini yako ukamfuata. C'est ton mari qui a cru et que tu. Bazanja yako ndio aliamini yako ukamfuata. Tes parents qui ont cru et que tu. Au fashile wewe ulienda kuikala. Peut-être là où tu es allé. Ulikuta kwa waaminifu. Tu as trouvé des chrétiens. Ndio ukamfuata. Tu les as aussi suivis. Aiya kuya kufika pale mambo. Là ce n'est pas encore c'est encore rien. Mambo munene, c'est qui est important. Ni wewe kumaliza maisha yako paka mwile hali. Terminer ta vie dans cette état. Mais ça vile injili kingara na ubiriwa. Comme l'évangile est encore. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère. Akingariki na ile possibilité. Il y a encore la possibilité. Ya yeye kufanya onjo ya byakweli na Mungu. De faire la véritable expérience avec. Parce que chemu ya maonjo. La source de des expériences. Des expériences. C'est la parole. Nine non. Atau ya fanya kaonjo. Même si tu n'as pas encore fait des. Atau ulikuya kupitia muyomba yako. Si tu es venu kupitia mkubwa yako. Kupitia sangaji yako. Mais injili ngo nahubiriwa. Si cette évangile. Ikingariki na uwezo hata mwile maforme yote ulifika hapa. Ya wewe kufanya experience ya byakweli. Il y a encore le temps de faire les véritables expériences. C'est la vérité. Ni kweli. C'est pourquoi pas tu kubakiria kusema. C'est pourquoi il faut te limiter. Ni kanisa ya bafulani. Il faut pas seulement te limiter. Ni kanisa ya bafulani. Ah! L'église de tel, non. Mungu leur permettre au Vatican et hapa. Il a permis que tu te retrouves ici. Ni Mungu anekalaka mkukalkile matana ma circonstances. C'est un Dieu qui calcule le temps et des circonstances. Ano ema nyakati na mambo. Eko terrible. Yeye ni wakushangaisha. Kisha wewe kushikia hii neno. Après avoir entendu. Kama unashindwa kufanya naye experience. Tu as échoué de faire. Utaendaka kusambia byote bilo risikia kama mkambo vitabiri. Tu seras jugé à cause de tout ce que tu as entendu dans cette église. C'est la vérité. On a osé vous dire, mais moi, moi-même, je n'avais même pas cru à cela. Dieu lui permettre au Vatican. C'est Dieu qui a permis que tu te retrouves ici. Là, on n'a pas à croire ville. Et tu dois le croire ici. Parce que mon bien Mungu. Puisque dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans les affaires. Mungu mutanguria kuyua mawakati. Dieu, comme il connaissait. Ari créé comme circonstance. Il a créé des circonstances. Namuile ma circonstances. Dans ces circonstances, il t'avait aussi dit que tu viendrais ou pas des possibilités na wewe ya kushikia la chance de na ufanye expérience ya byakweli. Mungu ashikue kwako histoire qu'il ne soit pas pour toi une histoire. Akuye Mungu akweli, qu'il soit un Dieu vrai. Mais kama unashinda, mais si tu échoues. Cet évangile que tu écoutes, tu seras jugé pour cela. Tu le payeras. On n'a pas à vous rendre compte. Uta sambaka. C'est la vérité. Nikweli. Parce que la Bible qu'on a sema. Parce que la Bible dit. Asema. Batalomaka biamingi kula rishikia biamingi. On demandera beaucoup à celui qui avait beaucoup. Nikusema sur base ya bilo rishikia. Fuatana de ce que tu as entendu. Uta sambaka. Tu seras jugé. C'est pourquoi on a la sauti à Mungu. C'est pourquoi vous voyez la parole de Dieu. Aina tu kitu kya kukibeba na valeur kiloko. Ce n'est pas quelque chose à prendre avec peu de valeur. Ni kitu kya kubeba na roho yako yote. C'est la chose qu'il faut prendre avec tout ton cœur. Parce que ule Mungu mwenye alikalkile ma circonstances. Parce que c'est Dieu là qui a calculé des choses. Ya kukupermettre na wewe upatikane hapa. De te permettre aussi de te retrouver. Aina kwa bure alifanishia bintu mwile namna. Ce n'est pas par hasard qu'il a permis. Unaweza kushituka mu kambo. Tu peux te retrouver à kambo. Samu ya mumapanse. Des fois, dans ta pensée humaine, tu ne savais même pas que tu serais à Kambov. Mais Dieu, lui, le savait. C'est la vérité. Nikweli. Il y a d'autres personnes. Par exemple, mimi na semaga shiyote. Moi, je l'ai toujours dit. Wakati nilikuwa nasumuliaka na debt. Lorsque j'ai causé avec mon père. Alikuwa ananiambiaka maparcours yake ya mumamikini. Il me parlait un peu de son parcours au village. Arana nitaya Lubumbashi. Il m'a parlé de Lubumbashi, il m'a parlé de Likasi. Na Kalemi, ma fashfashi aningi kula ritembea. Des différents endroits qu'il avait fréquenté à Bukavu. Mais je nitaya ka Kambov. Mais il ne m'avait jamais cité Kambov. Shikuyuaka sente kala ka Kambov. Je ne savais même pas que je pouvais habiter à Kambov. Mais Dieu lui le savait. Wakati mimi naanza kupenda kutembea tembea. Lorsque j'ai commencé maintenant à sillonner. Mama mikini ile nilikuwa na visiter. Différents villages et villes que j'ai visité. Kwa mukini ile mimi nilipenda kuikala ni Kuilebo. Et ya une ville là où je voulais habiter c'est à Ilebo. Njoku le roho yangu ilipenda. C'est là que je voulais habiter. Mais Mungu alisema, Mungu yemu mu ma circonstances yake. Dieu dans ses circonstances. Arinionaka kukambo. Il m'avait vu habiter. Na mimi niko mukambove. Je suis à roho yangu msalama. Mon cœur est en paix. Voyez-vous? Mungu wetu yuko terrible. Notre Dieu nous règle bintu. Il règle les choses. Munamna ya kusema peut-être ukwanze kujatanga. De manière à ce que tu ne t'attendais pas. Mais ba Christu mote ba bya kweli. Tous les véritables chrétiens. Muma wakati le Mungu anakala mubili vile Mungu anabawekaka. Ah, comment Dieu les a placés? Bane kalaka na vumbula ya kusema. Kupatikana kwangu pa hii fuasi. Mais retrouver à cet endroit. C'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que les chrétiens le croient. Parce qu'ils sont créés différemment. C'est la vérité. Nikweli. Il faut qu'il andugu na kila dada. Il faut que chaque frère et chaque sœur atoche ole Mungu wa histoire. Qu'il enlève ce Dieu là historique. Akuye Mungu wako. Qu'il soit ton Dieu. Mungu yako nduku. Qu'il soit Mungu yako frère, dada. Qu'il soit ton Dieu ma sœur. Ule ataka ma frère na lukula. Même si un frère tombe malade. Dada na lukula. Ma sœur tombe malade. Kuna kuya mambo hivi. Mule muro yako kona sema. Au fin fond de ton cœur. Kumbingu mananishiki yako. Au ciel on m'écoute. Est-ce que toi, sommes-nous ensemble? Il y a cette assurance. Là au ciel, on me connaît, on m'écoute. Peut-être que les gens ne te connaissent pas dans la cité. Peut-être que tu n'as pas de valeur. Mais pas seul. Il y a cette certitude. Dire qu'au ciel on me connaît. Il est ari nduku na dada ile. Cette atmosphère là. Il doit avoir dans sa vie. C'est la vérité. Nikweli. Ça, c'est la vérité. Mais si tu examines dans les âges, vous allez voir que les chrétiens, si on les raconte ce que Dieu avait fait avec certaines personnes, les expériences que les gens ont fait, ceux qui les ont précédés, ba Kristo mukila epoke mumashiku yabo. Les chrétiens de chaque époque. Kisha bo kushikia. Après avoir entendu. Vile bale baritanguria barifanya maonjo. Ceux qui les ont précédés, comment est-ce qu'ils ont fait les expériences? Na bo mumioyo yabo. Et aussi dans. Munalamukaka kiu. Il se lève une soif. Munalamukaka amu. Il se lève une Munalamukaka njala. Il se lève. Yabo na bo kufanya ma expérience. De pouvoir ya ule Mungu bazamani barionjaka. Les expériences que les anciens ont expérimentées. Ba Kristo bote. Tous les chrétiens. C'est de cette manière-là qu'ils se conduisent. Lorsqu'on les explique. Votre Dieu. Il avait sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Ils étaient sous la domination de Pharaon. Pharaon était Uwezo Mkubwa. Mais Dieu. Moïse. Il a envoyé Moïse. Moïse n'avait même pas de bâton. Il avait seulement. Il s'est présenté devant Pharaon. Il a dit à Pharaon. Dieu a dit de libérer son peuple. Pharaon est simple de résister. Dieu a accompagné Moïse avec des miracles. À tel point que Pharaon avait cédé. Les chrétiens, lorsqu'ils entendent cela, et la façon de dire de ce que Dieu avait fait, c'est différent de l'entendement des autres. Les chrétiens, lorsqu'ils entendent cela, commence à s'élever une soif. Commence à s'élever une soif. Soif est fait. Lui aussi, il veut. Il fasse l'expérience avec ces dieux anciens. C'est comme ça que les chrétiens se comportent. C'est la vérité. Nikweli. Il est vraiment dans la. Il est en train de rechercher. Parce que les chrétiens savent que. Si Dieu a visité les chrétiens dans les temps anciens, ils l'ont véritablement expérimenté. Les chrétiens, ils ont la certitude de la même manière que Dieu a fait l'expérience avec les anciens, il est obligé de venir faire avec nous la même expérience parce que nous sommes des chrétiens. C'est comme ça que les chrétiens voient les choses. Ils ont cette certitude. C'est Dieu-là qui est apparu à Moïse. C'est Dieu-là qui est apparu à Abraham. Moi aussi, je suis Abraham. Moi aussi, me visiter. Ils n'ont pas de doute. Lorsque quelqu'un croit à ce qu'il est, il croit que je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit expérimenter Dieu. C'est la vérité. Nicoli. Il doit avoir son Dieu à lui. Pas le Dieu de notre église. Mais son Dieu à lui. C'est pourquoi hier vers le soir nous avons dit ce qui est très important dans cette marche, c'est de croire d'abord à ce que tu es. Voilà ce qui est important. Croire à ce que tu es. Même hier nous avons posé la question: qui es-tu? Lorsque tu écoutes les Écritures, lorsque tu écoutes tout ce que nous sommes en train de prêcher, tu te crois en tant que qui? Voilà ce qui est nécessaire. Tu te crois en tant que Dieu ou pas? Regarde, mon frère. Lorsque quelqu'un se croit en tant que chrétien, c'est un enfant de Dieu. Frère, Ndoku, il croit en quoi? Certes, Dieu doit me visiter. Il ne peut pas avoir de doute. C'est la vérité. Nikoli, il sait que Dieu ne peut pas visiter les gens sans passer par chez moi. C'est la vérité. Ce sont des choses qui se font même moi s'il. Comment expliquer Baba Yako? Comment expliquer que ton père biologique, il vient d'une grande distance, il arrive là où tu es dans la cité où tu es, mais qu'il échoue de passer par chez toi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si un enfant, il apprend que ton père était venu dans la cité de Kambov, il sait que mon père ne peut pas quitter Kambov sans passer par chez moi. C'est comme ça que ça doit être. Il ne peut pas quitter Kambov. Les chrétiens ont cette assurance. C'est la vérité. Nikoli. C'est pourquoi chaque frère et chaque soeur, il doit se connaître. Kujijua. Se connaître soi-même. Uko nani? Qui es-tu? Unapasha kujijua. Tu dois te connaître. Apana bantu banakwambia. Pas les gens qui vont te le dire. Oh, uko frère. Oh, tu es frère. Uko dada. Oh, tu es soeur. Uko mtoto wa Mungu. Tu es un enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas ça. Toi-même, au fin fond de ton cœur, tu dois avoir une assurance. Il n'y a personne qui peut te noter. Seul. Tu dois avoir cette assurance. Tu peux broncher. Vous allez écouter quelqu'un qui te dit: toi tu es païen. Ces paroles là ne peuvent pas t'enlever cette assurance. Sommes-nous ensemble? Tu peux commettre une erreur et les gens se moquent de toi, mais ils ne peuvent pas t'enlever cette assurance. Ils ne peuvent pas t'enlever cette certitude. Mais si tu commets encore une autre faute, et les gens vont se dire, mais au fin fond de ton cœur, là, tu es en train de regretter. Tu sais bien que ce que je viens de faire, c'est que j'ai offensé mon Dieu. Tu vas à genoux. Tu me réponds de tout ton cœur. Si Dieu te pardonne, c'est fini, la paix revient. C'est comme ça. Mais il est acquis. Mais cette assurance là, tu dois l'avoir aussi. C'est la vérité. Nikoli. Arrête de te surcharger des choses. Tu te causes du tort toi-même. Tes causes du tort en te fabriquant des choses. Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il continue à visiter ses enfants. Il continue à se révéler à ses enfants. Comment est-ce que tu serais un enfant de Dieu dans cet âge? Mais et que Dieu est individuellement te donne à Kikisho que tu es un enfant de Dieu. Comment? Namna gani? C'est grave. Ni hatari. Unapasha kujijua kile wiko. Tu dois connaître ce que tu es. Uko mtoto wa Mungu bien membre du Kambo Tabernacle. Es-tu un enfant de Dieu ou bien membre du Tabernacle Kambo? Uko nani kwa macho ya Mungu? Qui es-tu au devant de Dieu? Roya biko nakwambia sio kunani. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Roya biko nakwambia nini? Qu'est-ce que le cœur dit de ce que tu es? Non, mon frère. Non, ma soeur. Les chrétiens, eux, veulent faire de véritables expériences. Ce n'est pas pour dire qu'ils ne commettent pas des erreurs. Non. Il ne faut pas comprendre les choses de cette manière-là. Non. Ce n'est pas pour dire que les chrétiens ne commettent pas d'erreurs. En eux, il y a une certaine nature qui les aide à commencer à s'efforcer dans leur vie afin de faire de véritables expériences. C'est comme ça qu'ils se conduisent. Bah Christo, les chrétiens. C'est la vérité. Nikweli. Mutoto wa Mungu kama anashikia vile Mungu alifanya. Et l'enfant de Dieu lorsqu'il apprend ce que Dieu a fait, il est vraiment agité. Il est en train de fouiller dans sa vie. Il veut que toutes les mauvaises choses puissent les quitter. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu est vraiment agité. Son cœur est brisé. Il veut. Il a eu une certaine nature dans sa vie. Et la Bible dit aussi ceci. Isaïe. Isaïe chapitre 57. Isaïe sura makumi tano na tano. Na saba. Ah, sura makumi tano na saba. Verset 15. Mstari ya kumi na tano. Biblia kuna sema hivi. La Bible dit ceci. Car ainsi parle le Très-Haut. Kwani hivi aliye juu anasema. Dont la demeure est éternelle. Ule makao yake ni ya milele. Et dont le nom est saint. Na ule jina yake ni mutakatifu. J'habite dans des lieux élevés. Nikunekala pali pa juu sana. Et dans la sainteté. Na ndani ya mutakatifu. Mais. Alakini. Je suis avec l'homme contrit. Niku pamoja na ule mutu wa kuvunjika. Et humilié. Na mwenye kujinyenyekeza. Afin de ranimer les esprits humiliés. Ili nipate kuleta bujima kumaro yenye kujinyenyekeza. Afin de ranimer les cœurs contrits. Ili nipate kuleta bujima kuile mioyo ya kufunjika. Amen. Amina. Asema j'habite dans les lieux très élevés. Nikunekala pali pa juu sana. Dans la sainteté. Katika butakatifu. Mais il a il y a empêché mi Mungu. Cela ne m'empêche pas à moi Dieu. Kama mi naona mutenda nzambi. Lorsque je vois un pécheur, eko na ngaika juu ni msaidie. Il est vraiment agité, il cherche à ce que je puisse l'aider. Mi nakuya kumsaidie. Je viens l'aider. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Niko mutakatifu. Je suis saint. Sitenda ke mi zambi. Moi je ne commets. Na niko fuashi ya yulu. Et je suis saint. Mais il est roi ya vile pa dunia. Mais un cœur pareil. Mi Mungu ne galaka nayo pamoja. Moi Dieu je suis ensemble avec un cœur contrit. Est-ce que tu pamoja? Sommes-nous ensemble? Il est roi. Un cœur. C'est la Bible qu'on a sait moi. Et la Bible dit. Niko pamoja na il est roi. Je suis ensemble avec ce cœur. Parce que l'état de il a ni permettre ni couille parler. Ça permet ce que je sois là. Tu ni kaburie bujima. Afin que je puisse le ranimer. Tu as ipe bujima. Que je puisse lui donner la vie. C'est la vérité. Nikweli. Il est maro iko api. Où sont ce cœur contrit et humilié? Iko api maro ya vile. Où sont ces cœurs là? qui sont en train de regretter à cause des mal que ça a fait. Où sont ces cœurs-là? Chaque frère et chaque sœur, il connaît l'état de son cœur. Dieu apporte la vie à des cœurs contrits. Toujours les cœurs contrits. Comment est ton cœur? Tu te bats contre quoi dans ta vie? Pas ces péchés-là que toi tu protèges. Tu ne veux pas que les gens puissent le savoir afin qu'ils puissent pas l'analyser. Toi-même tu dois examiner. Quel est ton combat? Tu combats contre quel esprit dans ta vie? Tu combats contre quel esprit? Si ton cœur devient ainsi, alors Dieu viendra te donner la vie. Que Dieu vous bénisse. Dieu dit des cœurs pareils. Je leur donne la vie. C'est la vérité. Nikoli. Deux cœurs qui sont contrits. Pourquoi j'ai de telles pensées moi? Dieu a nini. Pourquoi? Chaque fois lorsque Seigneur, nous aide à toucher ma wazo. Si wazo que t'aimes bien na ima wazo. Je ne peux pas vivre avec ces pensées. Bien na ima wazo. Je ne peux pas vivre avec ces pensées. Dieu dit. Mina kuyala kubakaburia bujima. Je viens pour leur donner la vie. Bale ma ville beko api. Où sont des gens contrits? C'est la vérité. Nikoeli. Sasa wako na kombana na nini? Mais toi, tu combats contre quoi? Uko na fanya nini? Qu'est-ce que tu fais? Ile tasukuma Mungu akuye kwa maisha yako. Qui peut pousser à ce que Dieu puisse venir? Ile tasukuma Mungu ajifunue kwako. Qui peut pousser à ce que Dieu puisse se révéler à toi? Psaume. Zaburi. Chapitre yake 51. Sura yake ya 51. La Bible dit ceci. Verset 19. Musari ya 19. Bible nasema hivi. La Bible dit ceci. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Masadaka ya kumpendeza Mungu. C'est un esprit brisé. Ni roho ya kuvunjika. Oh Dieu. Oh Mungu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Weye, au beula que moyo akufunjika na yakuzunika. Est-ce que tu vas moya? Sommes-nous ensemble? Biblia iko très clair. La Bible est kuwazi. Iko nasema hivi. Ça dit ceci. Mu terme yenye kuya simple. Dans les termes clairs et simples. Biote bila unaweza kufanya mu mambo ya Mungu. Tout ce que tu peux faire dans la parole de Dieu. Tout ce que tu peux faire comme mais servir. Mais ce qui est tellement agréable à Dieu, c'est le cœur contrit et brisé. C'est la vérité. Nikweli. Que Dieu vous bénisse. Tu peux beaucoup travailler. Vous entendrez quelqu'un dire. Nous avons beaucoup servi Dieu. 5 ans. 10 ans. 15 ans. 20 ans. 30 ans. 50 ans, frère. Nous sommes devenus doyens. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Mais il est cage pendant plusieurs années. Tout ce que tu as fait là pendant plusieurs années. Uritumika na esprit kani. Tu l'as fait avec l'esprit. Point d'interrogation. Il est niulizo. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Nikweli. Kazi yote loko natumika. Tout ce que tu Ubiri. As fait. Comme c'est Uimbe. Prêcher. Mwikale vile vile na ikala pale. Ce soir tel que vous l'avez. Ila unapasha kuangarishisha sana. Ce que tu dois beaucoup examiner. Kenye kuya kazi ya kupendeza Mungu. Qui est quelque chose ni wakati roho yako iko nangaika na iko natumika. C'est lorsque ton cœur est vraiment contrit en travaillant. C'est la vérité. Nikweli. Paka mwile wakati. C'est seulement à ce moment-là. Sasa wewe frère. Maintenant toi mon frère. Na wewe dad. Et toi ma sœur. Roho yako ikuje. Comment est l'état de ton cœur? Oh frère, nous avons beaucoup servi Dieu. Mais la Bible est très claire. Le sacrifice qui sont agréables à Dieu. Masadaka ya kumpendeza Mungu. Ni kusema kazi. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Aina ma sacrifice ça vile mazaka madimi. Ce ne sont pas des sacrifices comme l'aumône. Kazi ile unaweza kutumika mu mambo ya Mungu. L'œuvre que tu peux faire en servant Dieu. Ile iko napendeza Mungu pa maisha yako. Qui est agréable à Dieu dans ni wakati roho yako. Lorsque ton cœur. Iko yenye kuvunjika. Est brisé. Iko na uzunika. Il est contrit. Iko kila wakati. Mais chaque fois. Mungu tafuta volonté ya Mungu. À la recherche. Kila kila wako nafanya. Dans tout ce que tu fais. La lèvre qui est agréable à Dieu. Kazi ya kumpendeza Mungu. Aina kuhubiri. Ce n'est pas seulement prêcher. Aina kuimba ku chorale. Ce n'est pas seulement chanter à la chorale. Aina kuwa na responsabilité mukanisa. Ce n'est pas seulement avoir une grande responsabilité dans l'église. Vérifie roho yako. Chunguza ton cœur. Roho yako ikuje. Comment est l'état de ton cœur? Si ton cœur n'est pas ainsi, tu peux servir Dieu même pendant 50 ans. Mais tout cela est en dehors de la volonté de Dieu. Lorsque je lisais cette écriture, je me suis dit qu'il y a beaucoup de choses que nous, on ne connaît pas. Mais notre Dieu nous aide à nous les révéler. C'est pourquoi ce qui est important aujourd'hui, c'est de vérifier l'état de ton cœur. Comment est l'état de ton cœur? Comment expliquer que toi, enfant, tu peux faire un mal aujourd'hui, mais tu continues à protéger ce mal qui est dans ta vie? C'est inconcevable. Qui que vous soyez, devant Dieu, Dieu te considère comme quelqu'un inutile. C'est la vérité. Ni kweli. Comment expliquer qu'un enfant de Dieu peut se comporter? Il sait très bien que il n'a pas encore fait de véritable. Il se réjouit seulement par le fait d'être membre d'église. Oh frère, on a chez Kambof Tabernacle. Nous avons beaucoup servi Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Masadaka ya kumpendeza Mungu. C'est un esprit brisé. Niro ya kufunjika. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la Bible. Ni Biblia. Dieu m'en a sema vie. C'est la Bible qui le dit. Angaraza Bible wona tumika sana. Mais regarde comment toi tu as beaucoup servi. Sasa angaraza tu na roho yako. Examine, compare cela. Uko na roho moya mubaya. Tu as un cœur très méchant. Uko na chukia mtu unafanya hata 3 mois. Tu as eu quelqu'un pendant même 3 mois. Même si tu construisais à Dieu une maison en étage, cette maison-là devant Dieu, ce n'est pas valable. Même si tu donnais à Dieu des milliers et des millions, Dieu ne considère pas des millions, il considère l'état de ton âme. Voilà ce qui est important devant Dieu. Dieu n'a pas envoyé cette évangile pour, à cause de tes milliers. Non. Cet évangile, Dieu l'a envoyé tout. Lorsque tu es encore dans le corps, il a permis que tu aies encore des milliers, des millions. C'est la vérité. Nikweli. Le sacrifice agréable à Dieu. Masadaka ya kumpendeza Mungu. Kama leo konona mukanisa. Si aujourd'hui tu vois dans l'église, bantu beko na shikia neno. Les gens qui écoutent la parole. Mais bantu babarikiwe. Mais ils ne sont pas bénis. Mais je sais kubarikiwa mukimwili. Je ne dis pas de bénédictions matérielles, non. Mukimwili Mungu anabarikia hata ba païen. Les matériels Dieu en donne même aux païens. Mais nous on ne les considère pas comme une bénédiction. Nous regardons seulement à la nature de caractère qui se trouve dans cette vie. Si cet homme a la nature brisée, certes, Dieu va le bénir. Le sceau de Dieu, message. Ma miuri ya Mungu ni maubiri. Paragraphe 169. Nukta yake 169. Prêcher. Le 14 mai 54. prêché le 14 mai 1954. Frère Branham anasema hivi. Donc Branham dit ceci. Mais quand Dieu voit un homme, wakati Mungu anamwangalia mtu, à l'esprit brisé et contrit, mwenye kwa na roho ya kuvunjika na ya kuzunika, sincère dans son cœur, wawaki moyo wake, à genoux à l'autel, kumagoti na kumanzabu, Dieu ferme la porte du monde pour cet homme-là. Mungu anamfungia mlango wa dunia ule mtu. Et la selle à l'intérieur, na anamutia muhuri mule ndani, par le baptême du Saint-Esprit, na muhuri ya Roho Mtakatifu. Et cela dure jusqu'à la venue de Jésus. Ile tagawia kufika na pale Yesu atarudia. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, lorsque Dieu voit un tel homme, c'est-à-dire il les barre contre le monde ne peut plus les faire. Et Dieu lui les scelle du sceau du Saint-Esprit. Lorsqu'il voit, s'il le voit même ce soir, ça veut dire que Mungu aneno yake, comme il est Dieu de sa parole, anapasha kuweka muhuri. Certes, il va mettre son sceau. C'est la vérité. Ni kweli. Anapasha paka kukuweka muhuri. Yeah, il doit mettre le sceau. Vérifie roho yako. Vérifie seulement l'état de ton cœur. Depuis uliamini. Depuis que tu as cru. Roho yako ikuje. Comment est l'état de ton cœur? Oui, roho yako ikuje. Toi là, comment est l'état de ton cœur? Depuis que tu y as cru. Est-ce qu'on est kuangaika, ya kufunjika? As-tu un cœur contrit et brisé? Siku yote busiku na mchana kuna kombana na ile esprit ko ndani yako. Tous les jours tu te bats contre cet esprit qui est en toi. Ile hari ile kama Mungu anaiona. Cet état là lorsque Dieu le voit. Certes, il va te bénir. Certainement, il va te bénir. Bantu leo babarikiwe. Les gens aujourd'hui ne sont pas bénis. Mungu yuko sa mambo ya zamani. Dieu c'est comme une ancienne histoire. Ni jua bana na ile hari. C'est parce qu'ils n'ont pas cet état. Abana nayo. Ils n'ont pas cette atmosphère. Banduku mingi na badada mingi. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Abana na ile hari ya kuanza kufanya vita. Ils n'ont pas cet état là de na ile maromu baya ile kona baderanje. Contre les esprits méchants qui les tourmentent. Abana nayo. Ils n'en ont pas. Il recherche à tout prix que Dieu puisse venir kubasaidia. Kama Mungu anaona vile, si Dieu voit cela, anakubariki. Il va te bénir. C'est la vérité. Ni kweli. Question réponse. Maulizo na majibu ni mahubiri. Ya 1954. De 1954. Ya mu le 3 janvier. Du 3 janvier. Paragraphe yake 169. Nukta yake 169. Frère Branham anaendelea anasema. Frère Branham continue en disant. Je préférerais avoir une église. Tatamani yako kuwa na kanisa. Qui a un tel fardeau sur le cœur. Yenye kuwa na muzigo ya hivi mumoyo. Pour la prière. Juu ya maombi. Et que les gens resteraient simplement à cet hôtel. Et ils resteraient jour et nuit ainsi de suite. Et dans leur maison, ils seraient constamment en prière. 6 millions. Que Dieu vous bénisse. L'humilité, il est biblique qu'on a sema, il est frère Branham qu'on a sema. N'y a que ce que Dieu parle. Ni bantu me qu'on a tafuta Mungu abasaidie. Ce sont des gens qui cherchent à ce que Dieu puisse les aider. Bantu bale bafile. Des hommes pareils. Frère Branham qu'on a sema. Frère Branham dit. Mina penda kwa na ile kanisa ya vile. J'aime avoir une église pareille. Parce que ni kanisa ya bantu bakubarikiwa. Parce que c'est une église des gens qui sont bénis. La bénédiction d'une église, ce n'est pas avoir beaucoup de véhicules. Ou avoir des bâtiments ya kushitusha. Apana. Baraka ya kanisa. La bénédiction de l'église. Ni qualité ya esprit ile kwa mba memba. C'est la qualité de l'esprit qui se trouve dans les membres. bénédiction. Voilà ce qui est la bénédiction. Pas au-devant du monde, mais au-devant de Dieu. Devant le monde, c'est avoir beaucoup de véhicules là-dehors. Un grand bâtiment impressionnant. Aux yeux du monde, ces gens sont bénis. Mais devant Dieu, ces membres qui sont dans ces grands bâtiments, comment est l'état de leur esprit ou de leur cœur? Comment est l'état de leur cœur? C'est la vérité. Nikweli, Minalouk, je saute un peu. Anasema 178. Bien moi, j'ai ma commissaire dans mon année. On en trouve plus cela. À Touba, on était dans la ville. Qu'est-ce qui ne va pas? Ni la yendeke. L'esprit de Dieu s'est retiré. Jésus a dit. Roya mungu inesha kutoka njovile Yesu alisema. C'est la vérité. Nikweli. 174. Bien moi, j'ai ma commissaire dans l'année. Je vais dire ceci. Napenda kusema hivi. Et je le dis maintenant avec révérence. Naisema hapa na heshima yote. Comme marcher sur le fil fragile. Sawa mwenye kutembea pankamba ya teketeke. Je crois que ce jour-là est presque passé. Na wazia ile masiku inisha kupita. Ceux qui sont entrés sont entrés. Bale baringia baisha ingia. Voyez-vous? Munaona? Les portes sont en train de se fermer. Milango inaanza kufungwa. Vous n'avez plus ce fardeau. Amuna tena na ile mizigo. Il est bougito là. Muna nayo tena. Ce fardeau là, vous ne l'avez plus. Muna shinda kuitika amen. Vous échouez même de ponctuer par amen. Ni juu ni mambo ile mnakwama. Parce que ce sont des choses qui vous ont saisi. Alors que ma sauti ya hivi ina mérite kuitiki amen. Et pourtant des paroles pareilles méritent d'être ponctuées par amen. Sa muitika amen. Mais pourquoi est-ce que vous ne ponctuez pas par amen? Même si vous ne ponctuez pas par amen, nous allons continuer à prêcher. C'est la vérité. Nikweli. Vous n'avez plus ces fardeaux. Amuna tena na ile mizigo. Kama tunaweka bantu mumusululu hapa. Si nous mettons les gens dans les rangées ici. Tunauliza bantu. Nous posons des questions. Bala beko sincère watasema ni byakweli. Ceux qui sont sincères diront c'est la vérité. Watasema byakweli. Mais vraiment. Vile nilikuwa nahangaika zamani. Comme je me préoccupais jadis. Juu ya maisha yangu. Pour ma vie. Maintenant dans ma vie, c'est infiltré. C'est toi là qui es ainsi à qui Dieu s'adresse. Tu ne le sais pas. Dieu parle à toi. Je sais que tu es ici. Toi qui as cet état-là, comme Dieu c'est ton père, une fois que tu veux maintenant t'écarter, il faut comment est-ce que vous avez commencé, et comment est-ce que tu es venu aujourd'hui. Il a pitié de toi, c'est pourquoi il t'a envoyé ce message. C'est à toi qu'il dit, pourquoi tu combats ta vie? Combattez contre ta nature. Urikwana kombana na ali yako. Tu combattez contre ta nature. Mais leo ukombana ke tena. Aujourd'hui tu ne te bats plus. Na Mungu anasema ni jua na kuona. Et Dieu l'a dit parce qu'il t'a dit. Ulipasa kusema amen. Tu devais ponctuer par amen. Ulipasa kuitika. Tu devais ponctuer par amen. Ah, kama mimi naitika watasema sasa, kumbe ule wako nataka ni mie. Si moi j'accepte, on dira ah, c'est à moi alors qu'on s'adresse. Wewe unawaza ni nani? Hata unafichama ni wewe. Même si tu te caches, c'est à toi qu'on s'adresse. Même si tu te caches, c'est à toi que Dieu parle. Oh, mais je ne veux pas que les gens me considèrent. Je ne veux pas que les gens me considèrent comme un rétrograde, mais tu l'es. Dans ton cœur, tu es conscient, tu le sais bien. On a déjà pour rétrograder, frère. On a déjà pour rétrograder, dada. Il a déjà rétrogradé. C'est pourquoi Mungu kona sema na weye. C'est pourquoi Dieu. Parce qu'il est ma roya ville. Parce que Mungu anakuya kuikaburia buzima. Dieu vient leur donner encore la vie. Ni weye Mungu kona sema na weye. C'est à toi que Dieu parle. Ni nani? Tu crois qu'il s'adresse à qui? À moins que tu sois maudit. Alors tu diras que cette prédication ici s'adresse mais à tel. Moi je vais te dire, ce n'est pas adressé à tel, c'est à toi-même. Ni yako, frère. Ceci te concerne. Tena na pala usha kuikala. Même là où tu es. Unaanza kusema sema. Tu peux dire. Mais Mungu aliniona. Mais Dieu va. Alikuona jua anaonaka. Certes, il t'a vu parce qu'il voit. Mungu anaonaka alikuona. Dieu voit, il t'a vu. C'est la vérité. Nikweli. Je ne veux pas que les gens sachent que je me force par moi-même. Tu ne sauras pas. Il faut que Dieu t'aide. C'est la vérité. Nikweli. Ça, c'est la vérité. Il est maari chaque côté. Cet état-là a disparu. Il a porté à Kabisa. Ça a tellement disparu. Angaria, frère. Regarde mon frère. Angaria, dada. Regardez ma soeur. Ma patano yetu ile chitukunayo na Mungu. Notre rencontre avec Dieu. Notre relation. Ma patano tukuna avec Dieu. Na Mungu. Ni ma patano ya mapendo. C'est une relation d'amour. Et de confiance. Na ya matumaini. Mungu apote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Nikweli. Ule Mungu alituokola. C'est Dieu là qui nous a sauvés. Relation yetu tukunayo naye. La relation que nous avons avec lui. Ya mapendo na kutumaini yangu. C'est une relation d'amour et d'espérance. Mungu la rimwanga damu. C'est Dieu là qui a versé son sang. Anakuokola. Il t'a sauvé. Mwili kizazi kya kualabika kya kuoza. Dans cet âge pervers. Anakuweka amo ni Dieu kwa kutumaini. Il t'a placé c'est pour qu'il puisse espérer en. Na weye. Et que toi aussi. Sabile Mungu alikuokola ni baba yako. Comme c'est Dieu là qui t'a sauvé. Na wewe unamwekea kitumaini. Toi aussi tu as placé la confiance. Parce que l'amour inekalaka yenye kushindikizwa na matumaini. Il est accompagné par l'espérance. Kama bantu banapendana. Lorsque les gens kitumaini. Ils ont de l'espérance l'un. C'est la vérité. Confiance l'un à l'autre. C'est pourquoi unaonaka bantu kama katikati yako kama mapendo. Lorsque vous voyez des gens banafanyaka nguvu sana kushikuye trahison. Ils fournissent un effort pour qu'il n'y ait pas de trahison. C'est la vérité. Ni kweli. Ni ma relation à ma pendo. Ce sont des relations d'amour. Kama uko mtoto wa Mungu. Si tu es un enfant de Dieu. Na unapenda Mungu. Et que tu aimes Dieu. Mu maisha yako. Dans ta vie. Utatembea na boka kwa Mungu. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu. C'est la vérité. Ni kweli. Utatembea na boka. Tu marcheras avec crainte. Dieu nini? Pourquoi? Frère Branham me connaissait. Frère Branham dit. Mu Dieu projetant son amour. Maubiri Mungu. Mimi kukuelewa. Frère Branham anasema. Frère Branham dit. Asema. Mapendo kama iko huko katikati ya bantu. Lorsqu'il y a l'amour entre les humains. Moto anekalaka na magumu sana. La personne aura du mal. Dieu fanisha ndugu yake kibaya. Pour causer du tort à son prochain. C'est la vérité. Ni kweli. C'est pourquoi on a dit à Jésus qu'on a sema. C'est pourquoi vous entendez Jésus dire. Mon Jean chapitre 14. Yohane kuminaine. Jean chapitre 14. Yohane sura ke kuminaine. Jésus qu'on a sema. Jésus dit ça. Verset 23. Mustari ya makumbi na tatu. Ana sema hivi. Il dit ceci. Jésus lui répondit. Yesu akamjibu. Si quelqu'un m'aime. Kama mtu akinipenda. Il gardera ma parole. Atachunga neno langu. Et mon père l'aimera. Na baba yangu naye atampenda. Nous viendrons à lui. Tutakuya kwake. Et nous ferons notre demeure chez lui. Tutafanya makao yetu kwake. Mungu abade mbariki. Que Dieu vous bénisse. Jésus a tranché. Jésus a tranché. Anasema kunipenda mie. Il a dit m'aime moi. Mapendo ya mtu kwangu. L'amour d'une personne envers moi. Il est karaka prouvable. Utayona. Mungu avote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Peut-être ma terme chiwe juu chiwe français ça ne. C'est que ni kitu kile kenye unaweza kukiprouver. Que tu peux prouver qu'on est kanisha. Kama unapenda Mungu. Selon les écritures. Kufuatana na maandiko. Kupenda Mungu. Aimer Dieu. Aina kutumika kazi ya kanisa. Ce n'est pas seulement faire les travaux à l'église. C'est tout pamoja. Sommes-nous ensemble? Je pense que niko clair, shikuri ya mkinyo. Je pense que je suis clair, je ne mâche pas les mots. Kupenda Mungu. Aimer Dieu. Aina kuhubiri. Ce n'est pas seulement. Aina kutumika kazi mu kanisa au kuimba kwa chorale. Ce n'est pas servir Dieu dans l'église. Kupenda Mungu. Aimer Dieu. Preuve. Akikishu. Ni kuishi. Se mettre en pratique. Mukuogopa neno ya Mungu. Ah, en craignant Dieu, en pratiquant la parole de Dieu. C'est ça. Vivre dans Dieu la preuve. De Dieu. C'est ça la preuve de c'est le monde yote. Toute personne. Ou la fois une expérience et a bien quoi. Il a fait la véritable. Anaweza kuprouver na kudunia. Doit prouver. Na mbele ya Mungu. Kama anampenda Mungu. Si il aime Dieu réellement. Il va l'éprouver. Atayonesha wazi wazi. Atayonesha. Il va l'éprouver. C'est que atayonesha. Il va prouver. Et qu'on a possibilité mbele ya kuprouver kuna tiri yake. Il a d'abord la possibilité de l'éprouver dans sa nature. Muna tiri yake. Dans sa nature. Anakuya na convaincu na conviction. Il a même la kikisho. Ya kusema eko mtoto wa Mungu. Qu'il est un enfant de Dieu. Kubantu. Il va prouver qu'il est un enfant de Dieu. On a prouvé à ce et même devant Dieu, il va prouver qu'il est un enfant de Dieu. Kama si il aime Dieu. Na ile preuve, et cette preuve, il a quitté. Aïna kaji ya mukanisa. Ce n'est pas l'œuvre de l'église. Kaji ya kanisa ni kaji ya bien. L'œuvre de travailler à l'église, c'est bien. Mais comment mumaisha yako frère? Mais si dans ta vie. Mumaisha yako dada. Dans ta vie. Ubona bintu biloko na jama ya sauti ya Mungu. Tu as des choses que tu sur lesquelles tu te crampons. Conscience yako. Zamiri yako. Iko na kuambia. Te dit. Asema ona na ordre na Mungu. Que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Conscience yako. Zamiri yako. Tu as dit que tu n'es pas en ordre avec Dieu. C'est la vérité. Nikweli. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Atachunga neno langu. Atachunga. Il va garder la parole. Nikusema neno ya Mungu kwako. C'est-à-dire la parole de Dieu chez toi. Inakuwa urithi. Ça devient l'héritage. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Inakuwa urithi. Ça devient l'héritage. Nikusema mu maisha yako. C'est-à-dire dans ta vie. Neno ya Mungu ndio inakuwa byako byote. La parole de Dieu devient tout pour kitu toi. Kitu kyote kama unataka kufanya. Toutes choses avant de les faire. Ona vérifier Mungu anasema nini pa hiyo. Vérifie que dit Dieu à ce sujet. Hata unataka unaboka hata mkusema. Tu as la crainte de Dieu même en parlant. Hata mkusema. Même en parlant. Tu as cette crainte. Est-ce que ma parole, est-ce que cette parole que je vais prononcer, est-ce que c'est conforme? Parce que neno ya Mungu inakuwa urithi yako. Parce que la parole de Dieu devient ton héritage. Où sont-ils des frères pareils? Où sont-elles des sœurs pareilles? Les relations que nous avons avec Dieu, ce sont des relations. Regarde toi, bon, l'esprit frère, quoi, hypocrisie. Avec ton esprit abunafique. Toi, tu penses que Dieu, Mungu, confiance dans toi? Tu crois que Dieu peut placer la confiance en toi? À part ce que les gens connaissent sur toi, en dehors, yabile, en dehors de tout ça, seul là, kama unangalia esprit le oku si tu examines l'esprit, unaweza kuwa na hakikisho kusema Mungu anaweza kukutumainia wewe. Peux-tu avoir la certitude que Dieu peut espérer en toi? Unaweza kuwa na hakikisho? Tu peux avoir cette assurance? Kobitu bingino talanda bantu. Il y a certaines choses que tu peux tromper aux gens. Mais unaweza kulanda conscience? Mais tu ne peux pas tromper à ta conscience. C'est la vérité? Ni kweli. Weye wa vile weye. Toi même là. Est-ce qu'on aurait dit que Mungu anaweza kuwa na wewe confiance? Crois-tu que Dieu peut avoir confiance en toi? Wakati tu mbele wewe mwenyewe weye. Parce que toi même là. Uko incapable de convaincre esprit yako. Tu es incapable de convaincre ton esprit. Ya kusema kwa Mkristo. Que tu es un chrétien. Utamconvaincre Mungu je? Comment peux-tu alors convaincre Dieu? Utamconvaincre Mungu je? Comment peux-tu convaincre Dieu? C'est pourquoi kila ndugu na kila dada anapaswa kujiangalia. C'est pourquoi chaque frère et chaque sœur doit s'examiner. C'est la vérité. Ni kweli. Mjuaje kusema sema ile hakikisho barikuwa na wakati ya Biblia. Ne crois pas que cette certitude qu'ils avaient du temps de. Il kwa tu ni mambo moya hivi. C'était une histoire là pas. Ni bantu bariweka maisha yabo yote. Ce sont des gens qui akili yabo nguvu yabo yote. Yabo yote. Au service de Dieu. Tout ce qui leur appartenait mukazi ya Mungu. Na Mungu et Dieu bakamu convaincre. Ils l'ont convaincu. Na Mungu akaji révélé kwabo. Dieu aussi s'est révélé à eux. C'est la vérité. Nikweli. Weye na ile esprit yako. Toi avec ton esprit là. Mungu anaweza kufanya confiance. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Ya kusema mukambovi niko na mtoto. De dire kakambovi j'ai mon fils là-bas. Shunaona? Voyez-vous? Si Dieu n'espère pas en comment toi, tu seras certain de Dieu? Namna kani utakuwa na uhakikisho ya Mungu? C'est compliqué. Binakuwa hatari. Parce que ni ma relation ya mapendo. Ce sont des relations d'amour. Huyu anamtumainia. Celui-ci. Na huyu anamtumainia. Réciproquement. Mais wewe peke kwanza hujiamini. Par toi-même d'abord tu ne. Mungu atakuaminiaje? Tu ne crois pas en toi-même. Comment est-ce que Dieu peut croire en toi? Tushibame tombe Mungu. Mettons-nous debout pour la prière. Tutendeleshe. Nous allons continuer. Tu fikiri, méditons être certain de Dieu. Kuwa na uhakika ya Mungu. Haina tu mambo ya kusema mimi na kwenda ku tabernacle. Ce n'est pas question seulement de dire que moi je fréquente l'église tabernacle. Angalia maisha ya Abraham. Examine la vie d'Abraham. Angalia assurance walikuwa nayo. Regardez l'assurance qu'ils avaient. Na uangalie ile wewe uko nayo. Compare à ce que tu as. Est-ce que biko pamoja? Est-ce que c'est identique? Ba Abraham barikuwa bantu. Le Abraham était aussi les humains. Wewe Mungu anaweza kufanya kitu mimi, anaweza kutumainia huyu mwimki. Est-ce que toi là, Dieu peut espérer en toi? Ndio na kutumainia peut-être ni mkambofu tabena. C'est peut-être c'est seulement à kambofu tabena. Est-ce que Mungu anakutumainia wewe? Est-ce que toi Dieu là espère en toi? Tombe Mungu. Prions.